Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Deuxième épisode, l'affaire Ruano. Jiménez évoque souvent dans son récit la poursuite de la collectivisation agricole à Pina de Ebro. Nous avons déjà parlé dans le septième épisode de la constitution du Conseil d'Aragon, soutenue par la grande majorité des travailleurs. Les collectivités aragonaises regroupent jusqu'à 300 000 personnes, sur une population de 500 000 habitants. Ce nouveau centre décisionnel, à peine créé, est âprement combattu par le gouvernement catalan et par celui de Madrid, mais aussi critiqué par le comité national de la CNT. La principale menace viendra des communistes, qui se voient court-circuités en tant qu'avant-garde par un prolétariat espagnol, démontrant son aptitude à s'organiser directement. La première réunion du Conseil d'Aragon se tient le 15 octobre 1936 à Fraga. Joaquín Ascaso en est le président et sept autres anarchistes s'occupent des divers départements. La colonne de l'anarchiste Ortiz n'est pas loin, en protection. Mais très vite, les vivres sont coupés et la campagne de calomnie commence. Accusé d'être un organe séparatiste, le Conseil subit quantité d'actes de sabotage et une colonne communiste bombarde ses locaux, soi-disant par erreur. Les membres du Conseil se rendent vite compte que pour se maintenir, il leur faut le consentement du gouvernement de la Généralité et de celui de Madrid. Même la CNT les y invite. Toujours sous la pression de l'argument suivant, les grandes puissances n'aideront pas la République si l'on ne conserve pas certaines apparences de démocratie bourgeoise. Début novembre, une délégation du Conseil se rend alors à Barcelone, où elle est formelle reçue. À Madrid, le gouvernement lui impose d'intégrer des représentants de l'UGT, de la gauche républicaine et du PC, dont on connaît l'hostilité aux collectivisations. En échange, le Conseil est reconnu le 20 novembre. En janvier 1937, Ascaso est nommé gouverneur et le Conseil est transféré à Caspe, où il peut fonctionner au grand jour, mais toujours en butte au coup tordu des communistes. Il s'efforce néanmoins de regrouper les collectivités et de planifier la production. Grâce à la vente de denrées alimentaires et d'objets de valeur réquisitionnés, il achète des tracteurs et des armes. Les échanges se font surtout avec la France, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie. Et bien sûr, les milices dépendent largement des envois réguliers du Conseil en vivres et fournitures. Si une partie des ouvriers et des paysans de l'Ourete, surtout dans le Levant, sont joints spontanément aux libertaires pour socialiser les moyens de production, ils l'ont fait malgré leurs dirigeants. Ces derniers vont maintenant mettre en œuvre une série de mesures destinées à étouffer les collectivités, en n'apportant aucune aide financière, en gênant leurs opérations commerciales et en rendant difficiles leurs relations avec l'étranger. À la tombée de la nuit, nous étions partis pour une destination inconnue. Les camions nous avaient laissés à l'aurore, dans un champ, en bordure d'un bois d'olivier sous les frondaisons duquel nous nous abritâmes pour échapper aux regards des pilotes de l'aviation franquiste. Au crépuscule, nous nous remîmes en route. Pendant des heures et des heures, nous marchâmes en file indienne, suivant des sentiers à peine tracés, nous faufilant dans l'ombre des haies qui délimitaient les champs cultivés, car la lune nous éclairait comme un phare perdu dans l'espace. Enfin, nous arrivâmes dans une ferme abandonnée. Nous étions épuisés. Moi, je n'avais qu'une envie, me coucher et dormir. C'est ce que je fis. Mon petit groupe en avait fait autant. Allongé à même le sol, la tête appuyée sur le paquetage que l'on n'avait pas défait, en prévision d'un nouveau départ, nous appelâmes un sommeil qui, malgré la fatigue, ou peut-être à cause d'elle, tardait à venir, lorsque deux coups de feu éclatèrent à l'extérieur. Nous nous levâmes d'un bond et nous précipitâmes dehors. Un Espagnol nous arrêta en criant « Calma, compañeros, ce n'est rien de grave. Nous avons tué ces salauds de Ruano. » Ruano, le responsable du massacre de Perdiguera, venait de payer sa trahison. On entoura le compagnon en l'assaillant de questions. Où étions-nous? Était-ce une étape ou le bout du voyage? Il nous apprit que nous étions devant Sietamo, un village dominé par un château fort. Il était occupé par l'armée de Franco et par des phalangistes, et avait été presque complètement investi par les colonnes du Poum. Pablo acheva de nous donner les renseignements qui nous manquaient, ainsi que les consignes et les conseils qu'il crut nécessaires dans la situation où nous nous trouvions. Parti pour prendre contact avec l'état-major des forces qui entouraient le village, il nous quitta avant le jour. Les premiers rayons de soleil nous révélèrent la précarité de notre position. Nous étions pris entre deux feux. D'un côté, les fusils retranchés dans les maisons et le fort, et de l'autre, les tirs des mortiers et de l'artillerie légère, comme le démontraient clairement les impacts des obus sur les murs, le toit de la ferme, et le long de l'ébauche de tranchées qui se perdait à droite et à gauche des bâtiments. Les unités espagnoles qui avaient occupé la position avant nous, prises sous les tirs conjugués de l'artillerie et des engins qui crachaient la mort depuis le donjon et les fenêtres des maisons, avaient abandonné les postes, laissant ouverte une brèche par où passaient les renforts et le ravitaillement pour la garnison. Ceci d'autant plus facilement qu'une route coupait notre ligne, à une cinquantaine de mètres environ de l'endroit où nous nous trouvions. Selon ce que nous avait dit Pablo, on nous avait envoyé là pour colmater la brèche et attaquer le village. Ce fut Otto qui résuma la situation en disant « Dès qu'ils nous auront réparés, ils nous arroseront de mitraille. Et bonsoir la compagnie !» Nous étions une vingtaine, 25 au maximum. Les vétérans, ceux qui étaient au groupe avant Perdiguera, qui avaient connu Bertomieu, expliquèrent en vitesse la conduite à suivre aux nouvelles recrues. Et nous décidâmes de faire les morts jusqu'à la nuit. Puis, avant que la lune ne se lève, de faire un bond en avant et d'aller établir nos quartiers plus près des maisons du village. Ce mouvement avait l'avantage de nous porter dans l'angle mort des armes automatiques du donjon et peut-être de gêner les tirs d'artillerie, qui risquaient, en réglant les pièces, d'envoyer quelques obus sur Sietamo. Nous passâmes la journée à échafauder des plans. Louis nous avait toujours dit que lorsque nous étions en mission, c'était à nous de trouver la solution, la meilleure à nos problèmes, sans attendre d'un quelconque chef qu'il nous l'apporte. Je me souviens qu'Afinengi avait proposé de partir à l'assaut dès le début du bombardement. Et si par chance un obus tombait sur les premières maisons, de profiter du désarroi des assiégés pour pénétrer dans le village. Pendant toute la journée, il défendit son plan sans vouloir en démordre. Heureusement, les événements ne lui donnèrent pas raison. Nous ne fûmes pas obligés de faire comme Gribouille, nous jeter à l'eau pour ne pas nous mouiller. Lorsque la lune se leva, nous étions à environ 50 mètres du mur de la première maison du village. Un double rideau d'arbres nous cachait à la vue. Deux petits bâtiments, une grange et une étable, nous servirent de point d'appui et de QG. Tout le coteau était quadrillé comme un jeu de dames, chaque pré délimité par une haie de grands arbres et d'arbustes. Le pré qui séparait notre QG de la route, qui suivait le contour du village, en passant au pied du château, était lui aussi complètement entouré d'arbres et de buissons. Nous profitâmes de la densité de cette barrière naturelle pour placer nos postes de garde à quelques mètres seulement des fenêtres d'où nos ennemis nous guettaient. C'était risqué, mais à condition de ne pas faire de bruit, ni de parler pendant la garde, on ne pouvait pas deviner que nous étions si près. La première émotion vint vers le milieu de la journée. Nous avions dépêché une estafette pour prévenir Pablo de notre bond en avant. Lorsqu'elle revint, Il faisait grand jour. Et les guetteurs du château l'aperçurent. Au moment où elle traversa un espace découvert, et la saluèrent avec quelques rafales de mitrailleuses. Nous la regardions sauter d'un arbre à un buisson, pour essayer de rejoindre la grande haie perpendiculaire au village, que nous avions suivie en quittant notre première position, et qui le mettrait à l'abri des regards ennemis. C'est alors qu'Afinengi, avec le mépris du danger qu'il caractérisait, s'élança. Et à grandes enjambées, plié en deux les mains près du sol, dévala la pente, pénétra dans le rideau de verdure agitant arbustes et buissons. Notre agent de liaison était arrivé et faisait son rapport. Mais la mitrailleuse tirait toujours, dans la haie, là où les branches bougeaient toujours plus loin vers notre première position. Il ne remonta qu'à la nuit tombée. En riant, il nous dit que du moment que l'ennemi savait que l'on occupait le bas du coteau, il n'y avait plus à se gêner. Il avait allumé un bon feu et l'avait recouvert de beaucoup de feuilles mortes, espérant qu'au petit jour, cela fumerait toujours, pour signaler notre présence. Cela leur ferait gaspiller quelques obus et pas mal de munitions. Un tollé de reproches accueillit ces révélations. Son idée ne plaisait à personne d'autre que lui. Il s'en fut, furieux, relever un copain de garde pour ne plus nous entendre. Nous étions tous en proie à l'incertitude et au doute. Les consignes du QG étaient simples et sans équivoque possible. Il fallait coûte que coûte tenir la position et en attendant le jour J de l'attaque, chercher la brèche dans le dispositif ennemi ou encore ses points faibles. Nous passâmes la nuit à faire des patrouilles et à visiter les postes de garde que nous avions établis autour de notre camp. Et nous ne nous couchâmes qu'au petit jour pour prendre un peu de repos. Des explosions me réveillèrent. Afinengi ne s'était pas trompé. Il pilonnait au mortier tout le bas du coteau. Pendant une dizaine de jours, nous restâmes terrés comme des renards dans leurs trous, ne sortant que la nuit, marchant le long des haies en faisant des détours de plusieurs dizaines de mètres pour rester toujours à l'abri des buissons lorsqu'on relevait des sentinelles. Car si on traversait un pré à découvert le jour, et même la nuit par temps clair, on était bon pour l'infirmerie, dans la meilleure des hypothèses. C'est à Sietamo que j'ai effectué ma seule et unique prise de guerre, ma part de butin. 28 mois de guerre, gain en plus de la solde, une paire de jumelles que j'ai encore chez moi. Otto et moi étions sortis pour effectuer une ronde. Tout était calme, le silence absolu. Nous étions parvenus à la pointe extrême de notre dispositif, et nous nous préparions à faire demi-tour, lorsque l'homme de garde nous fit signe de nous arrêter. Un bruit léger venait de la route. Il approchait. En rampant, Otto partit à sa rencontre. Je le suivis. Arrivés au bout de la haie, nous vîmes deux ombres se dresser sur la route et s'apprêter à dévaler le talus pour venir dans le pré. Otto me fit voir son couteau. J'avais compris. Je sortis mon poignard et j'attendis. Mon copain, souple comme une couleuvre, se glissa un peu plus près du talus. La première ombre sauta, se reçut sur ses talons, ayant mal calculé la hauteur, tomba et se releva. Mon adversaire se trouvait à moins de 2 mètres devant moi et il me tournait le dos. Son compagnon sauta à son tour. J'avais la bouche sèche. Un étau serrait ma tête à la faire éclater. Je percevais les battements de mon cœur comme ceux d'un tambour qui accompagne un cortège funèbre. Je bondis, mon poing soudé au manche de mon arme pour frapper entre les épaules. C'est alors qu'il se retourna vers moi. Mon bras s'abaissa, la lame pénétra jusqu'à la garde. Au défaut de l'épaule gauche, il tomba sans un cri. Otto avait proprement coupé la gorge à l'autre soldat de l'armée franquiste. Nous enlevâmes leurs armes, en l'occurrence le fusil du soldat et le pistolet d'ordonnance que portait celui que j'avais abattu, un officier, qui avait aussi des jumelles que j'ai gardées en souvenir, car je n'avais jusqu'alors rien pris pour moi. C'est relativement long. les tout premiers avaient été occupés à fortifier notre position. Puis, comme les patrouilles, la garde et le sommeil nous laissaient des loisirs, nous essayâmes de passer notre temps libre de la façon la plus plaisante, pour chacun de nous. Dans les premiers jours, les diverses personnalités qui formaient notre unité se réunirent selon leur goût, leur affinité, leur sympathie. Joueurs de cartes, de dames, de dominos, bricoleurs qui passaient leur temps à fignoler nos retranchements. Enfin, ceux qui, comme moi, noircissaient des pages et des pages de cahiers en taquinant les muses, ou en écrivant des nouvelles ou des articles que l'on faisait lire à la ronde. Parfois le jour, mais très souvent la nuit, un de nous improvisait une espèce de conférence sur un sujet quelconque. Nous les appelions nos berceuses, car la majorité d'entre nous s'endormait avant la fin. Tout et n'importe quoi servait de prétexte à ces longs discours, à ces spéculations plus ou moins logiques. Un après-midi, le soleil brillait tiède, car c'était l'hiver. Je revenais d'effectuer une ronde. Je m'étais allongé par terre, ma musette et ma capote en guise d'oreiller, et près de moi Scolari, Otto, et quelques autres, lézardés au soleil, en attendant le moment de la relève. Lorsque Mario, qui arpentait la cour, plongé dans ses problèmes, vint vers nous avec une petite croix en fer blanc, comme celle que les petites filles portent avec une chaînette autour du cou. Il nous la montra en disant « Compañeros, voilà l'instrument des hautes œuvres qui, il y a 2000 ans, servait à exécuter les condamnés à mort. Si un homme pareil à celui qu'on appelle Jésus vivait de nos jours, en Espagne, on le ferait mourir par le garrot, en France, par la guillotine, en Angleterre, on le pendrait haut et court, et dans 2000 ans, une petite guillotine ou une petite potence ornerait les corsages des fillettes de nos campagnes. Voyez-vous, mes amis, mes compagnons, notre société est la même que celle qui existait au temps où ce vagabond, rêveur et poète sillonnait les routes de Galilée, prêchant l'égalité entre les hommes, réclamant la justice et la liberté. Jésus, si toutefois il a vraiment existé, était ce qu'on appellerait aujourd'hui un propagandiste révolutionnaire. En effet, qui étaient ses disciples ? Où trouvait-il ses néophytes ? Dans les couches les plus misérables de la société de son temps. Les esclaves, les pêcheurs, les ouvriers. Les massacres, les persécutions prouvent que les idées propagées par ce rêveur, liberté, égalité, justice, faisaient peur aux classes dirigeantes de l'époque. Le nombre des adeptes devint légion. Fuyant les persécutions, les militants se répandirent sur toutes les routes du monde, prêchant leur impossible chimère. Jésus, ce troubadour qui vivait en comptant ses apologies au hasard des chemins, devait être un fameux conteur, intelligent et sensible à la misère, pour avoir fait si peur aux bourgeois, aux clergés et à l'armée romaine qui occupait sa terre natale et qui ont décidé ensemble de faire un exemple en le crucifiant. Pour dominer, domestiquer, endiguer cette soif de justice qui menaçait la société dans ses bases, on en fit un dieu. Jésus n'était probablement pas le seul à propager ces idées, ni le premier. Selon moi, il est celui qui a été exécuté avec le plus grand apparat et la plus grande cruauté. Sa mort est restée gravée dans la mémoire des disciples qui l'ont racontée, embellie pour les besoins de la cause. Des hommes sans scrupules, certes intelligents et rusés, profitant de l'ignorance du peuple, prirent la direction de ce vaste mouvement, le transformèrent en instrument d'oppression et d'esclavage librement consenti, en organisant la puissance de l'Église catholique romaine, le pouvoir spirituel allié au pouvoir temporel. L'ordre social était sauvé, ainsi que les privilèges des classes dominantes. Jésus, ce va-nu-pied, est devenu le symbole de la soumission, de la résignation à la misère et à l'esclavage. Et Dieu ? Non, je ne crois pas en Dieu, car je n'aime pas la haine. Si Dieu existait, je serais obligé de le haïr pour tout le mal qu'il laisse endurer à l'humanité. Cette humanité que, selon les croyants, il a faite de ses mains, à son image. On ne peut pas aimer ce père qui condamne ses enfants à la peste, le choléra, la tuberculose, le cancer et tous les autres maux qui affligent la terre. Ce père tout-puissant qui permet que la grande majorité de ses fils triment pour qu'une infime minorité se gave de tous les biens de la terre. Ne me parlez pas du libre arbitre qu'il a, soi-disant, laissé aux hommes. Un père infiniment puissant, infiniment bon, qui voit ses enfants faire un si mauvais usage de la liberté qu'il leur a accordée, s'il les aime vraiment, avec toute sa puissance, aurait vite fait de corriger leurs défauts. Et s'il ne le peut pas, c'est un pauvre type. S'il ne le fait pas, un salaud qui ne mérite que mépris et dégoût. Mais Dieu n'existe pas. Il est né de l'ignorance des hommes et du besoin d'expliquer des phénomènes naturels dont ils ignorent les causes. L'homme est un drôle d'animal. Il a besoin de connaître la raison des choses. Et pour expliquer l'origine ou la cause d'un fait qu'il ignore, il invente. Lorsque l'intelligence a commencé à éclore, l'homme primitif s'était posé une infinité de questions pour lui rester sans réponse. Alors il a peuplé tout son environnement de dieux, d'esprits et de démons. Au fur et à mesure que ses connaissances augmentaient, les êtres surnaturels ont quitté la Terre et se sont réfugiés dans les immensités de l'espace. C'est pour ne pas perdre leurs privilèges que les églises se sont toujours opposées au progrès de la science. C'est ainsi que nous occupions nos loisirs, entre deux tours de garde et les patrouilles. Nous signalons tout de suite l'erreur chronologique de Jiménez, qui mélange un peu ses souvenirs et nous renvoie 2 mois en arrière. Comme nous l'avons entendu dans le 6e épisode, la prise de Ciétamo, qu'il nous décrit ici, a eu lieu le 12 septembre et Pablo Valiasindi n'a pas encore remplacé Louis Bertomeu. L'engagement du groupe international a été décisif et il est commandé par le chef de secteur Lucio Ruano. Donc Ruano ne peut avoir été exécuté à ce moment, comme Jiménez le raconte. Fin octobre, Antonio part en permission à Barcelone, puis est envoyé dans la Sierra d'Alcubierre, semble-t-il pendant 2 mois. Coupé du reste des forces confédérales, il n'a pas été témoin du départ de Dorothy pour le front de Madrid, ni de son remplacement par Ruano, à la tête de la colonne et du comité de guerre. Il n'assiste donc pas non plus à la crise qui monte dans les centuries concernant l'attitude de Ruano. A priori, cette crise est sans rapport avec la tragédie de Perdiguera. En rétablissant la succession des événements, on sait maintenant qu'au début du mois de décembre 1936, comme après la bataille de Perdiguera, une forte tension règne entre les miliciens et le commandement de la colonne. La mort de Dorothy sur le front de Madrid le 20 novembre, dans des conditions obscures que la CNT ne contribue pas à éclaircir, participe du climat général de désarroi et de colère. Une mutinerie se déclenche contre le quartier général. Les combattants s'estiment engagés dans des attaques mal conduites, notamment à Fuentes de Ebro, où beaucoup d'entre eux trouvent la mort. Et quand 2 combattants sont fusillés sur ordre de Ruano pour recul devant l'ennemi, alors la colère est à son comble. Des miliciens veulent les venger, et si des menaces de mort sont proférées contre lui à ce moment, aucun milicien espagnol n'exécute Ruano sur le front, contrairement à ce que rapporte Jiménez dans son récit. Il n'en reste pas moins que Ruano a bien été liquidé par des militants anarchistes, mais bien plus tard, en juillet 1937, et à Barcelone. D'autres éléments interviendront dans cette exécution, mais cela déborde le cadre de ce feuilleton. C'est un des mérites de ce manuscrit que de nous permettre d'éclairer certains aspects méconnus de la guerre d'Espagne. Ainsi, Lucio Ruano, qui occupa pourtant un poste à responsabilité, fut en grande partie gommé de l'historiographie anarchiste. Né en Argentine, il faisait partie en 1930 d'un groupe d'expropriateurs qui commettaient des attaques à main armée contre des banques pour le compte du mouvement et des attentats contre la police qui persécutait les révolutionnaires. Quand il arrive à Barcelone en 1933, il continue ses activités de braquage, mais participe également au cadre et comité de défense de la CNT, groupe clandestin très offensif, très mobile et qui entre en action en cas de grève générale, d'insurrection ou de durcissement de la répression. En Catalogne, c'est Garcia Oliver, Durruti et Ascaso qui les organisent. En avril 1936, Ruano participe à l'exécution de Miguel Badia, le chef de la police de Barcelone, sur ordre de la CNT, dont la stratégie est de prévenir le coup d'État qu'elle voyait venir. Le prestige de Ruano comme homme d'action courageux et efficace grandit le 19 juillet. Toujours avec ses amis, des cadres de défense, il attaque la caserne d'Atarazanas, où se retranchent les militaires insurgés. Il part ensuite sur le front d'Aragon avec Durruti, dont il semble très proche, et rejoint le comité de guerre de sa colonne, où il conduit plusieurs offensives. Mais lorsque Durruti meurt, Ruano semble donner libre cours à des penchants qui heurtent la morale anarchiste. Il va trahir la confiance placée en lui en faisant placarder un avis ordonnant aux villageois de la zone de guerre d'apporter sous 48 heures au QG tout l'argent qu'il possède sous peine de représailles. Cela ressemble fort à un rançonnement de la population. Cet impair, ajouté aux exécutions de miliciens et à une autre attaque désastreuse à Velilla de Ebro, vont entraîner sa convocation à Barcelone le 18 décembre pour rendre des comptes devant la CNT. Et quand celle-ci envoie début janvier 1937, le sergent Manzana remplacé Ruano et renouvelé le comité de guerre de l'Argentin, la colonne est en pleine crise. Le moral des troupes est au plus bas, plusieurs centuries résistent toujours à la militarisation en cours et près de 1000 miliciens ont annoncé leur départ. Après son éviction de la colonne, on retrouvera encore ce jeune Argentin sur les barricades de Barcelone en mai 37. Puis sa trace se perdra. Quarante ans après les faits, les souvenirs de Jiménez se télescopent, ce qui est bien normal. Mais c'est après le récit de la bataille du 17 octobre 1936 que les erreurs chronologiques apparaissent dans son manuscrit. Alors, on peut penser que le désastre de Perdiguera marque un tournant symbolique pour notre auteur, qu'il clôt une période où tous les espoirs étaient permis. Ensuite, Antonio Jiménez est tenaillé, comme beaucoup d'autres miliciens, par le sentiment que les dirigeants anarchistes ne soutiennent plus l'action des milices sur le front d'Aragon. La désillusion qui en résulte se cristallise peut-être dans cette défaite où sont tombés tant de ses amis, au point qu'il en arrive à concevoir l'idée terrible de la trahison du commandement anarchiste. L'individu qui incarna cela est Lucio Ruano. Peut-être parce que lui-même était allé assez loin dans le mépris de certains principes anarchistes, bien qu'il ne fût pas le seul dans ce cas. Thank you.